Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Même si les gens te négligent, mon frère, sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ta valeur ne dépend pas du travail que tu fais. Ta valeur ne dépend pas des comptes bancaires. Mais ta valeur dépend de ce que tu es racheté par le sang de Jésus et tu as du prix aux yeux de Dieu. Cesse de te mépriser. Le Seigneur va te relever et il va te positionner. Cette parole va s'accomplir pour toi. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Cette année, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton frère, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre temps de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens 2, 1 à 10. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Pour nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Je voudrais partager avec vous, chers amis des OSP, deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Notre prédication ne doit pas reposer sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Vous savez, quand Paul parle des discours persuasifs de la sagesse, il peut s'agir des discours intellectuels. Vous voyez, l'évangile est différent de la sagesse, des discours. Aujourd'hui, par exemple, de plus en plus, les gens parlent du développement personnel. Je n'ai rien contre ça. Le développement personnel peut aider les gens, mais le développement personnel ne peut pas remplacer l'évangile. On parle du coaching, comment entreprendre, ça aide les gens. Mais on ne peut pas remplacer ça par l'évangile. On ne peut pas remplacer l'évangile par les proverbes de notre langue maternelle. Il y a des gens qui sont doués dans leur langue maternelle. Ils connaissent toute la sagesse de leur langue maternelle. C'est bien de connaître la culture, de connaître la culture, de connaître tous les proverbes de votre région, de votre langue. Mais ces proverbes n'ont pas de poids, de puissance qu'apporte l'évangile. Ce n'est pas ces langages-là qui peuvent transformer l'homme. Tu peux avoir des diplômes, tu as tous les systèmes. Aujourd'hui, on parle des systèmes LMD, hein? On parle de licence, master, hein, doctorat, ainsi de suite. C'est bien d'être un grand intellectuel, d'être un grand savant. Mais ce n'est pas avec ce discours de la sagesse humaine que nous pouvons transformer l'humanité. Vous voyez? Mais ici, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. La prédication doit être fondé non pas sur ces discours-là. Ne prêchons pas les corbeaux et les renards, s'il vous plaît. Prêchons Christ crucifié. Et ce message doit reposer sur la puissance de Dieu. En d'autres termes, ce message doit être accompagné par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Paul voulait dire. Ça veut dire qu'un prédicateur ne doit pas tout simplement avoir la sagesse. Vous pouvez avoir tout l'art de la rhétorique. Vous avez étudié l'homilétique, toutes sortes de sermons, c'est bien. Mais il faut ajouter maintenant ce qu'on appelle aujourd'hui l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le message, oui, soit attesté, accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Paul dit ceci au verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et il dit au verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Vous savez, Corinthe faisait partie des villes grecques. Le monde grec, c'est le monde de la sagesse, le monde des philosophes. Il y avait toutes sortes de personnes, hein, des épicuriens, des stoïciens, des grands sages. Et ce qui avait de la valeur aux yeux de grecs, c'est les savants, les grecs. Mais ici, Paul dit, non, je ne suis pas venu vous annoncer la sagesse de ce monde. Je suis venu prêcher l'évangile, afin que votre foi repose sur la puissance de Dieu. Deuxième vérité, nous prêchons la sagesse de Dieu et non celle des hommes. Vous voyez, il y a une différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Et Paul montre ici les caractéristiques de la sagesse de Dieu. Cette sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Vous ne pouvez pas l'étudier à l'école. Ce n'est pas en ayant un doctorat que vous pouvez connaître la sagesse de Dieu, mon ami. Cette sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Deuxièmement, Dieu a destiné cette sagesse avant les siècles pour notre gloire. Et troisièmement, aucun chef de ce siècle n'a connu cette sagesse. Vous voyez, c'est pour dire qu'il y a des chefs de ce monde. Les chefs de ce monde, c'est qui? Ça peut être des gens qui sont hautement placés, les professeurs d'université, des gens qui ont la maîtrise, les gens qui sont maîtres, des gens qui sont, je ne sais pas, des agrégés en ceci, les gens qui ont gravi tous les échelons, ils travaillent dans des organisations internationales. Ce sont des savants. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez dans une organisation internationale que vous allez connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, aucun des hommes de ce monde ne l'a connue. Cette sagesse qui est cachée en Jésus-Christ. Regardez comment les gens se comportent dans ce monde. Comment vous pouvez me dire, comprendre qu'un monsieur qui a un doctorat, qui a une jolie dame, puisse sortir avec sa servante, une servante qu'on ne peut même pas comparer avec sa femme. Comment comprendre qu'un papa qui a des enfants puisse sortir avec une petite fille qui a l'âge même de sa fille ou même de sa petite fille? Ça, c'est ça la sagesse, c'est ce que vous appelez la sagesse. Comment comprendre que quelqu'un qui est un grand intellectuel puisse s'enivrer au point de rester nu, au point de dormir au dehors? C'est ce que vous allez m'appeler la sagesse? C'est ce que vous allez dire sagesse? Non, ça ce n'est pas la sagesse. C'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue. Et puis quatrièmement, Dieu nous l'a révélée par l'Esprit. Donc cette sagesse, nous ne la recevons pas sur le banc de l'école, à l'université, mais c'est par révélation. Qui dit révélation suppose que vous avez connu Jésus, vous avez rencontré Jésus personnellement. Et lorsque vous rencontrez Jésus de manière personnelle, c'est alors que l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut vous révéler la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est pourquoi il est dit ici, au verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oui, mon frère, si réellement tu veux avoir la révélation de Dieu, la révélation des choses spirituelles, donne ta vie à Jésus et marche selon l'Esprit. La sagesse de Dieu, tu ne peux pas l'acquérir à l'université. Tu ne peux pas l'acquérir par la science de ce monde, par la sagesse de ce monde. Non, c'est une sagesse qu'on obtient par révélation du Saint-Esprit. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces chants. Victoire, sois loué. témoigner. Je vais proclamer. Je vais proclamer. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. À Dieu, il est digne de louange, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Élève ta voix, mon frère, bénis le Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 10. Nous saluons particulièrement tous ceux qui nous suivent par les médias sociaux et qui reçoivent, oui, OSB par WhatsApp. Vous faites bien, surtout lorsque vous partagez avec des amis, avec des parents, partout dans le monde. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Italie, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes, je ne sais pas, au Congo RDC, vous êtes au Kenya, vous êtes au Maroc, vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour les ministères que vous faites. Nous vous proposons le sujet des prières d'aujourd'hui. Nous allons prier pour que notre prédication s'accompagne par la puissance de Dieu. Si tu n'es pas prédicateur, tu vas prier pour quelqu'un qui prêche la parole, peut-être ton pasteur. Nous allons prier pour que vraiment notre prédication ne se limite pas, ne s'appuie pas sur la sagesse de ce monde, mais qu'elle soit accompagnée par une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Esprit. Béni sois-tu, ô Père éternel, toi qui exerces nos doigts pour la bataille et nos mains pour le combat. Toi qui es notre bienfaiteur et notre forteresse. Toi qui es notre refuge et notre libérateur, notre bouclier. Nous te rendons grâce au Père éternel et nous te disons merci parce que tu veilles sur nous chaque jour. Nous prions pour les prédicateurs, pour tes servantes et tes serviteurs, afin que le message qu'ils apportent pour édifier les enfants de Dieu soit accompagné de puissance, qu'il ne soit pas seulement des messages intellectuels, des messages de persuasion, mais des prédications qui sont accompagnées par la puissance. Fais en sorte, ô Père éternel, que ton Esprit Saint soutienne les prédications de tes envoyés, que les messages apportés transforment les vies, que les jougs soient brisés, que les messages soient suivis de miracles, ô Père éternel, parce que tu as dit dans ta parole que tu soutiens tes enfants par ta force, par ta droite puissante. Nous disons merci parce que nous avons cette assurance que tu réaliseras de grands exploits suite aux prédications de tes enfants. C'est pourquoi nous demandons également que tu fortifies tes fils et tes filles afin qu'ils puissent se former, afin qu'ils puissent s'édifier, afin qu'ils puissent marcher dans l'humilité et être disposés à recevoir cette onction spéciale de ta part, l'onction qui découle des sacrifices, de l'étude de la parole, de la méditation de la parole, des exercices spirituels. Nous prions contre toute opposition, tout obstacle à l'explosion de ton évangile. Merci Père éternel, parce qu'avec toi, nous ferons des grands exploits. Tu écraseras nos ennemis. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour ceux qui s'appuient sur la sagesse de ce monde. Ce sont des gens qui sont peut-être dans le mysticisme, dans les mouvements occultes, mais qui se disent des grands intellectuels, des grands professeurs d'université. Ils ont des diplômes, maîtrise, doctorat, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils s'appuient sur la sagesse de ces siècles. Prions pour que Dieu se révèle à eux. Prions pour qu'ils se convertissent au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, notre berger, ce matin encore, nous venons à toi pour te dire infiniment merci pour la protection, pour ta grâce, pour le combat que tu mènes pour nous, pour la vie et la vie en abondance que tu nous donnes. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as rachetés au prix du sang de Jésus-Christ et tu nous as mis au large. Tu nous as donné lumière par ta parole. Et chaque jour, nous nous efforçons de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous nous efforçons par la foi de vivre selon la parole. Merci pour ces instructions. Merci pour tes commandements, merci pour tes voix. Et nous voulons te recommander aussi ceux-là même qui comptent sur leur sagesse, sur leur intelligence. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et il a aussi écrit, tout don excellent et toute grâce parfaite vient du Père des Lumières. C'est toi donc qui nous a donné ses talents, ses dons et ses bénédictions. Et voilà qu'aujourd'hui, beaucoup se basent sur les grâces, les bénédictions que tu leur as accordées pour s'éloigner de toi. Régner de la foi, incrédule, ils deviennent des athées et même persuadent beaucoup de personnes de te connaître. Ils ont des théories, des sciences qui n'autonomes pas. Oh Seigneur, nous voulons te prier pour tous ces soi-disant intellectuels qui refusent réellement de savoir que c'est toi qui es le Créateur. Donne-leur de savoir que c'est un don que tu as fait à chacun d'eux et à chacun de nous. Merci parce que nous voulons les voir, ceux-là qui résonnent, ceux-là qui cogitent, ceux-là qui sont loin de toi. Nous voulons prier pour que leur cœur soit incliné à toi, que leur âme, leur esprit reconnaissent que c'est toi Dieu qui leur a donné ce don, ce talent qu'ils ont. Merci Père pour ta bonne main qui est encore ouverte pour les recevoir. Merci pour quelqu'un que tu touche aujourd'hui. Merci pour cet intellectuel qui se répand, qui revient à toi et qui se donne à toi. Merci au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Chacun de nous va prier. Tu vas prier pour que Dieu te révèle les choses qu'il a préparées à l'avance par le Saint-Esprit. Parce que nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle cette sagesse qui est profonde, mystérieuse. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment depuis les siècles. Tu vas prier le Seigneur, que Dieu te révèle ces choses. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous nous prosternons devant toi, ô Père éternel, et nous élevons ton nom au-dessus de tous les autres noms, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Nous prions ce matin, ô Père éternel, et nous demandons que tu nous révèles les choses cachées. C'est toi qui révèles à tes fils et à tes filles les choses cachées. Caché. Révèle à tes enfants, aux prédicateurs, les choses cachées, les mystères de ton royaume, afin qu'ils puissent édifier ton peuple, afin qu'ils puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre avec efficacité. Nous disons merci au Père éternel, parce que c'est toi qui nous aides, c'est toi qui nous accompagne. Nous prêchons le message de Christ et le message qui vient de toi. Fais en sorte, ô Père éternel, que chaque fois que tes fils et tes filles ouvrent la bouche pour prêcher ta parole, que les mystères soient révélés afin que les jougs sataniques soient brisés, afin que les délivrances se manifestent. L'apôtre Paul déclare, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Fais en sorte, ô Père éternel, que l'évangile prêché par tes fils et tes filles brise les jougs, apporte le salut et contribue ainsi à l'édification de ton royaume. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. La puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant.